seule mme du Châtelet prenait au sérieux cet amour, seule elle en était véritablement émue. Elle aimait avec l'ardeur désespérée d'une dernière passion. Pour comprendre la puissance du sentiment qu'elle éprouvait, il faut avoir lu ses lettres à Saint-Lambert, lettres encore toutes parfumées d'ambre et écrites sur les papiers élégants de l'époque, entourées de petits filets verts ou roses. Tantôt, c'est un court billet ne renfermant que ces mots. « Venez, je vous adore, je vous attends ». Tantôt, ce sont de longues pages où sa passion est perdue, cherche en vain à enflammer un cœur presque indifférent. Un jour, tremblant que Saint-Lambert ne la quitte pour aller à la guerre, elle fait des vœux ardents pour la paix. Et lorsque la paix est conclue, elle lui écrit « Les harangueurs ont coutume de dire, pour s'injurier entre elles, « Tu es bête comme la paix. Eh bien, moi, j'adore la paix, puisqu'elle vous conserve à moi. » À ces lettres si tendres, Saint-Lambert répondait par des lettres galantes, sans chaleur, sans élan. C'est du cœur que déborde le sentiment d'Émilie. Celui de Saint-Lambert vient d'ailleurs. Il nomme Madame du Châtelet son cher amour, sa chère maîtresse, son cher cœur. Il emploie toujours le tutoiement, il fait des digressions sur le plaisir, il parle de la nature comme le chantre des saisons pouvait en parler. Il rappelle le charme qu'on trouve dans l'accord des sentiments en présence d'un beau paysage, la volupté du chant du rossignol qu'ils ont entendu ensemble, et à ce sujet, il dit que Stanislas, vieillissant, prétendait que les rossignols de Pologne avaient la voix plus forte que ceux de France. Éternelle faiblesse des vieillards qui attribuent leur propre déclin à tout ce qui les entoure. Le maréchal de Richelieu, dans ses dernières années, disait aussi « Il n'y a plus de femmes ». Au début de cette passion, Madame du Châtelet, forcée de s'éloigner pour quelque temps de la cour de Lorraine, écrivait à Saint-Lambert cette tendre et charmante lettre. « Toutes mes défiances de votre caractère, toutes mes résolutions contre l'amour, n'ont pu me garantir de celui que vous m'avez inspiré. Je ne cherche plus à le combattre, j'en sens l'inutilité. Le temps que j'ai passé avec vous à Nancy l'a augmenté à un point dont je suis étonnée moi-même. Mais loin de me le reprocher, je sens un plaisir extrême à vous aimer, et c'est la seule qui puisse adoucir votre absence. Je suis bien contente de vous quand nous sommes tête à tête, mais je ne suis point de l'effet que vous a fait mon départ. Vous connaissez les goûts vifs, mais vous ne connaissez point encore l'amour. Je suis sûre que vous serez toujours plus gai et plus spirituel que jamais à Lunéville, et cette idée m'afflige indépendamment de toute inquiétude. Si vous ne devez m'aimer que faiblement, si votre cœur n'est pas capable de se donner sans réserve, de s'occuper de moi uniquement, de m'aimer enfin sans borne et sans mesure, que ferez-vous donc du mien ? Toutes ces réflexions me tourmentent, mais elles m'occupent sans cesse, et je ne pense qu'à vous, en ne voulant m'occuper que des raisons qui doivent m'empêcher d'y penser. Vous m'écrirez sans doute, mais vous prendrez sur vous pour m'écrire. Vous voudriez que j'exigeasse moins. Je recevrai 4 lignes de vous, et ces 4 lignes vous auront coûté. J'ai bien peur que votre esprit ne fasse bien plus de cas d'une plaisanterie fine que votre cœur d'un sentiment tendre. Enfin, j'ai bien peur d'avoir tort de vous trop aimer. Je sens bien que je me contredis et que c'est là me reprocher mon goût pour vous. Mais mes réflexions, mes combats, tout ce que je sens, tout ce que je pense, me prouvent que je vous aime plus que je ne dois. Venez à Ciré me prouver que j'ai tort. Je sens que vous ne le pouvez avoir que quand je ne vous vois pas. Cette lettre est pleine d'inconséquences. Elle ne se ressent que trop du trouble que vous avez mis dans mon âme. Il n'est plus temps de le calmer. J'attends votre première lettre avec une impatience qu'elle ne remplira peut-être point. J'ai bien peur de l'attendre encore après l'avoir reçue. Mandez-moi surtout comment vous vous portez. Je me reproche cette nuit que vous avez passée sans vous coucher. Si vous en êtes malade, vous ne me le manderez point. Je voudrais savoir si vous avez essuyé bien de plaisanteries. Et cependant, je voudrais que vous ne me parlassiez que de vous. Mais surtout, parlez-moi de vos arrangements. Je vous attendrai à Ciré, n'en doutez pas. Si vous le voulez bien fort, croyez que je n'aurai qu'une affaire. Mais vous ne le voulez rien bien fortement. Sans cette preuve d'amour que vous m'avez tant reproché d'exiger, je ne croirais pas que vous m'aimez. J'attache à ce mot bien d'autres idées que vous. J'ai bien peur qu'en disant les mêmes choses, nous ne nous entendions pas. Cependant, quand je pense à la conduite que vous avez eue avec moi à Nancy, à tout ce que vous m'avez sacrifié, à tout l'amour que vous m'avez marqué, je me trouve injuste de vous dire autre chose, sinon que je vous aime. Ce sentiment efface tous les autres. Croyez que si vous ne venez pas à Ciret, vous aurez bien tort. Je suis inconsolable quand je pense que si j'avais pensé à ce Saint Stanislas, je serais encore à Lunéville. Mais il me semble que vous ne m'y avez jamais tant aimé qu'à Nancy. Je ne puis me repentir de rien puisque vous m'aimez. C'est à moi que je le dois. Si je ne vous avais pas parlé chez monsieur de la Galésière, vous ne m'aimeriez point. Je ne sais si je dois m'applaudir d'un amour qui tenait à si peu de choses. Je ne sais si je n'eusse pas bien fait de laisser à votre amour-propre le plaisir qu'il trouvait à ne plus aimer. C'est à vous à décider toutes ces questions. Je ne sais si votre cœur en est digne. Je sais que cette lettre est trop longue. Je devrais la jeter au feu. Je vous en laisse le soin. Mais prendrez-vous celui de me rassurer. Madame du Châtelet revient à Lunéville et se livre à tout l'entraînement de cet amour. Elle en est heureuse et riante. Les plaisirs du monde l'enivrent de nouveau. Elle veut briller aux yeux de Saint-Lambert et se montrer à lui dans tous ses agréments. Elle joue la comédie et chante l'opéra à la petite cour du roi de Pologne. Elle rajeunit et Voltaire écrit au comte d'Argental « Madame du Châtelet se porte merveilleusement bien. Je ne sais si elle ne restera pas ici tout le mois de février. Pour moi, je ne suis qu'une petite planète de son tourbillon. Je la suis dans son orbite car un cas. En vérité, ce séjour-ci est délicieux. C'est un château enchanté dont le maître fait les honneurs. Madame du Châtelet a trouvé le secret d'y jouer hissé trois fois sur un très beau théâtre et hissé a fort réussi. On va tous les jours dans un kiosque ou d'un palais dans une cabane et partout des fêtes et de la liberté. Je crois que Madame du Châtelet passerait ici sa vie. » Cependant, son amitié pour Voltaire la décide à quitter encore une fois Lunéville. Elle le suit à Paris, où l'appelaient les représentations de Sémiramis. Elle sacrifie à son vieil ami le bonheur que l'amour lui donne. La vanité de Saint-Lambert, plus que sa tendresse, souffrit et s'irrita de ce départ. Quelques orages s'ensuivirent. Madame du Châtelet y fait allusion lorsque, écrivant à Saint-Lambert, elle se reproche si tendrement ce qu'elle appelle ses torts. Ce fut après cette seconde séparation qu'elle s'aperçut que par suite de l'entraînement de son amour, elle serait bientôt mère. Depuis 20 ans, elle n'avait pas eu d'enfant, et elle vivait depuis très longtemps séparée de son mari. Elle portait un grand nom, elle paraissait chaque année à la cour de Versailles. Sa vie était de celles qui ne peuvent se cacher. Son rang, son esprit, sa liaison avec Voltaire l'avaient mise en évidence. Comment dérober à tout le monde un événement qui, à son âge, surtout la déshonorait? C'était, il est vrai, l'époque des maris trompés ou complaisants, des galanteries ouvertement tolérées. Mais encore fallait-il, dans certaines circonstances, que l'honneur d'une grande maison fût en apparence respecté. L'orgueil du nom était le dernier orgueil de cette aristocratie déchue. On ne procédait pas alors en amour par fuite et par enlèvement, comme de nos jours, ce qui donne, il faut en convenir, une sorte de satisfaction superbe à la passion. On ne disait pas bravement à son mari, à la face de tous, « Je ne vous aime pas et je vous quitte ». On se contentait de le mystifier. Pour jouer un pareil rôle, il fallut à Madame du Châtelet un grand courage. Certaines scènes humiliantes et burlesques, dignes de la plume de Boccace, et que nous ne saurions rapporter ici, dut singulièrement coûter à cet esprit fier, à ce cœur sincère. Voltaire nous apparaît tout entier dans cette étrange comédie. Sa conduite fut certainement celle d'un ami loyal et généreux. Mais aussi, il faut le dire, son esprit léger et moqueur prit un malin plaisir à conduire cette mystification. C'était un conte à mettre en action, il y employa toute sa verve. Il manda d'abord Saint-Lambert à Ciret pour se concerter avec lui. Puis le mari fut appelé. On convoqua pour fêter son arrivée tous les voisins de campagne. Il y eut des divertissements au château, on y fit grande chère, on remaria les deux époux, et monsieur du Châtelet accepta la grossesse de sa femme. Voltaire finit par rire de l'aventure comme il riait de tout. C'est après ce voyage à Cirey que Saint-Lambert, de retour à Lunéville, écrivait à Madame du Châtelet. « Je ne suis parti de Nancy qu'après la poste, parce que j'avais écrit au facteur de m'y renvoyer tes lettres. J'attendais donc ce matin les trésors que je devais recevoir mercredi. Je les ai reçus, j'en ai joui pendant ma route. Hélas, ils ne m'ont pas empêché de sentir que je mettais 5 lieues de plus entre nous. Me voilà donc, mon cher amour, dans un lieu où j'ai bien moins de cette précieuse liberté qui de jour en jour me devient plus précieuse. Le roi m'a reçu avec sa bonté ordinaire, il est bien assurément de toute sa cour ce que j'aime le mieux. Je suis bien plus déterminée que jamais à ne donner mon temps qu'à lui, et à ne prendre absolument de tout mon voyage aucune distraction que celle que ma santé exige. Je reviens à ta lettre. Il fallait que je fusse bien abattue pour ne t'écrire que 4 mots le jour que je t'ai quittée. J'avais à te dire tout ce que je te dis ordinairement, tout ce que je te fais entendre, et puis tous mes regrets. Sois-en bien sûr, mon cher amour, ils n'ont jamais été aussi vifs, aussi vrais, et moins susceptibles d'être affaiblis par la dissipation. La route m'accablait sans me distraire de toi, et toutes les dissipations qu'on pouvait m'offrir seraient repoussées par mes regrets et par cette mélancolie qui ne m'est que trop naturelle et qui augmente si fort par ton absence. Je sens mon existence d'une manière pénible et je me suis chère pourtant dès que je me souviens que tu m'aimes et que je me dis que tu es avec moi. Mon cher cœur, fais-moi bien des détails sur la conduite de ton mari, sur tes amusements, sur tout. Je n'ai jamais pris un intérêt plus passionné, plus tendre, à tout ce que tu es, à tout ce que tu sens, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux être et devenir. Ménage bien ta santé, rafraîchis-toi souvent, souviens-toi du grand principe de Madame. Tout ce qui échauffe vieillit, tout ce qui rafraîchit rajeunit. Oh, si tu savais quel trésor je possède en toi, tu te ménagerais bien. Sois sûr que toutes les impressions vives et délicieuses que j'ai reçues de toi se sont conservées dans mon cœur, s'y sont même augmentées, s'y conservent toujours. Il est bien impossible que rien fasse mon bonheur que toi. Je serai toujours également rempli de ma tendresse et content de la sentir. » On voit dans cette lettre que Saint-Lambert s'efforce de paraître tendre, sensible, mélancolique. Mais où est le naturel ? Madame du Châtelet, Voltaire et le marquis du Châtelet ne tardèrent pas à revenir à Lunéville. La petite cour de Stanislas s'anima de nouveau à leur arrivée. Madame du Châtelet, malgré son état de souffrance, y joua Nanine. Elle avait retrouvé Saint-Lambert. Le lien secret qui l'unissait à lui augmentait encore sa passion, et tour à tour, heureuse et affligée de cet amour, elle s'abandonnait au plaisir, aux larmes, à la réflexion, au travail. Elle avait 43 ans. À cet âge, l'idée de devenir mère l'alarmait. Poursuivie par le triste pressentiment de sa fin prochaine, elle passait les nuits pour terminer ses commentaires de Newton. Elle disait à Saint-Lambert : « Il n'y avait aucune nécessité à ce que j'entreprisse cet ouvrage, mais puisque je l'ai commencé, il faut que je l'achève. » Un soir, presque au terme de sa grossesse, elle lui écrivait « Mon Dieu, que tout ce qui était chez moi quand vous êtes parti m'impatientait, que mon cœur avait de choses à vous dire. Vous m'avez traité bien cruellement, vous ne m'avez pas regardé une seule fois. Je sais bien que je dois encore vous en remercier, que c'est décence, discrétion, mais je n'en ai pas moins senti la privation. Je suis accoutumée à lire à tous les instants de ma vie dans vos yeux charmants que vous êtes occupée de moi, que vous m'aimez. Je les cherche partout, et assurément je ne trouve rien qui leur ressemble. Les miens n'ont plus rien à regarder. Je suis d'une impatience extrême de savoir si vous monterez la garde demain. Songez que si vous montez la garde demain, je puis vous revoir lundi. Songez qu'un jour est tout pour moi, et je n'ai pas besoin pour le sentir de mes craintes ridicules, car je les condamne, mais un jour passé avec vous vaut mieux qu'une éternité sans vous. Je ferai mon possible pour n'avoir pas d'humeur ce soir, mais comment ferai-je pour qu'on ne s'aperçoive pas de l'inquiétude et du malaise de mon âme, car c'est le mot qui peut rendre mon état. Ne jugez point de moi parce que j'ai été, je ne voulais pas vous aimer à cet excès, mais à présent que je vous connais davantage, je sens que je ne puis jamais vous aimer assez. Si vous ne m'aimez pas moins, si mes torts n'ont pas faibli cet amour charmant sans lequel je ne pourrais vivre, je suis bien sûr qu'il n'existe personne d'aussi heureuse que moi, mais je vous avoue que je le crains. Rassurez-moi, mon cœur en a besoin. La moindre diminution dans vos sentiments me déchirerait de remords. Je croirais toujours que ça a été ma faute, que sans Paris, vous auriez toujours été le même. Songez que mon amour, que les chagrins que vous m'avez faits en voulant me quitter, et que la crainte de ces grenadiers m'ont assez puni. Je vous aime avec une ardeur bien faite pour vous rendre heureux, si vous pouvez m'aimer encore comme vous m'avez aimé. Je n'ai rien trouvé de mieux à vous envoyer que la cassette où vous renfermerez mes lettres. Rapportez-les, je vous le demande à genoux, bonheur de ma vie. » Quelques jours après, elle adressait à Saint-Lambert cette tendre et douloureuse page, samedi soir. « Vous me connaissez bien peu, vous rendez bien peu de justice aux empressements de mon cœur, si vous croyez que je puisse être 2 jours sans avoir de vos lettres, alors qu'il m'est impossible de faire autrement. Vous êtes d'une confiance sur la possibilité de monter vos gardes en arrivant, qui ne s'accorde guère avec l'impatience avec laquelle je supporte votre absence. Quand je suis avec vous, je supporte mon état avec patience. Je ne m'en aperçois souvent pas. Mais quand je vous ai perdu, je ne vois plus rien qu'en noir. J'ai encore été aujourd'hui à ma petite maison, à pied, et mon ventre est si terriblement tombé que je ne serais point étonnée d'accoucher cette nuit. Mais j'en serais bien désolée, quoique je sache que cela vous ferait plaisir. Je vous ai écrit hier 8 pages, vous ne les recevrez que lundi. Vous n'articulez point si vous reviendrez mardi, et si vous pourrez éviter d'aller à Nancy au mois de septembre. Ne me laissez pas d'incertitude. Je suis d'une affliction et d'un découragement qui m'effraieraient si je croyais au pressentiment. Le prince va être bien heureux de vous posséder. Il n'en connaîtra pas le prix si bien que moi. Dites bien au prince que vous n'irez plus à Rouen avant mes couches. Je ne souffrirai pas. J'ai un mal de rein insupportable et un découragement dans l'esprit et dans toute ma personne dont mon cœur seul est préservé. Ma lettre qui est à Nancy vous plaira plus que celle-ci. Je ne vous aimais pas mieux, mais j'avais plus de force pour vous le dire. Il y avait moins de temps que je vous avais quitté. Je finis parce que je ne puis plus écrire. » Pour se raffermir contre ces funestes pressentiments, Madame du Châtelet avait appelé auprès d'elle une demoiselle de compagnie qui lui avait été autrefois fort attachée. Elle se nommait Mademoiselle Dutil. Madame du Châtelet la revit avec plaisir, mais n'en conserva pas moins de vives alarmes. La crise douloureuse arriva. 8 jours après le billet à Saint-Lambert que nous venons de citer, Madame du Châtelet accoucha d'une fille, le 4 septembre, dans le palais même du roi Stanislas. Ne prévoyant pas la douloureuse issue de cet événement, Voltaire l'annonce fort gaiement au comte d'Argental. « Madame du Châtelet, dit-il cette nuit, en griffonnant son Newton, s'est sentie un petit besoin. Elle a appelé une femme de chambre qui n'a eu que le temps de tendre son tablier et de recevoir une petite fille qu'on a portée dans son berceau. La mère a arrangé ses papiers, s'est remise au lit, et tout cela dort comme un liron à l'heure que je vous parle. » Voltaire annonçait la même nouvelle à peu près dans les mêmes termes à l'abbé de Voisenon. Madame du Châtelet étant cette nuit à son secrétaire, selon sa louable coutume, a dit « Mais je sens quelque chose. » Ce quelque chose était une petite fille qui est venue au monde sur le champ. On l'a mise sur un livre de géométrie qui s'est trouvé là et la mère est allée se coucher. 4 jours après sa délivrance, Madame du Châtelet n'éprouvait qu'une extrême faiblesse, mais pas de souffrance. La chaleur était très forte et l'incommodait. La fièvre de lait qui survint augmenta ce malaise. Elle demanda à boire de l'orgeat à la glace. Sa garde-malade s'y opposa. Elle insista et voulut être obéie. Mais à peine en eut-elle bu un grand verre que sa tête devint brûlante et que tous ses membres furent engourdis. Le médecin du roi de Pologne accourut il jugea le cas très grave et demanda à s'adjoindre les meilleurs médecins de Nancy. Après 2 jours d'étouffement et de suffocation, on parvint à rappeler à la vie Madame du Châtelet. Elle paraissait hors de danger et reposait doucement. C'était le 10 septembre. Voltaire et le marquis du Châtelet quittèrent quelques instants la malade pour aller souper chez la marquise de Boufflers. Saint-Lambert et Mademoiselle Dutille restèrent auprès d'elle. Saint-Lambert s'était approché de son lit et ils avaient échangé de tendres paroles. Puis, craignant de la fatiguer et s'apercevant que le sommeil la gagnait, Saint-Lambert alla s'asseoir à quelque distance. 10 minutes après, une sorte de râle s'échappa de la bouche de la malade. Mademoiselle Dutille et Saint-Lambert accoururent, ils la soulevèrent sur son séant, lui firent respirer des sels. Ils croyaient qu'elle n'était qu'évanouie. Tous les secours furent impuissants. Elle était morte. Les derniers mots qu'elle avait prononcés avaient été des paroles d'amour à celui qu'elle avait tant aimé. Voltaire et M. du Châtelet, qu'on se hâta de prévenir, se précipitèrent dans la chambre, suivis de tous les convives, consternés. Voltaire et Saint-Lambert passèrent une partie de la nuit auprès de ce corps inanimé. On ne pouvait les arracher à ce funèbre spectacle. Voltaire, surtout, était profondément ému. Quand il sortit de cette chambre, égaré, hors de lui, il gagna la porte du château et alla se heurter contre l'escalier extérieur. Sa tête frappa sur le pavé. Un domestique et Saint-Lambert vinrent à lui. En reconnaissant ce dernier, il lui dit en sanglotant « Ah, c'est vous qui me l'avez tué !» Madame du Châtelet fut inhumée dans la chapelle du palais du roi Stanislas. On lui fit de magnifiques funérailles. La cour, le monde des sciences et des lettres, s'émurent de la fin prématurée de cette femme de génie. Clairaut, son ami et son maître, la pleura longtemps et porta son deuil. Quelques jours après cette mort funeste, Voltaire, ramené à Cirey, écrivait à M. d'Argental de ces lieux qu'elle avait embellis pour lui et dont désormais elle était pour toujours absente. « Je ne sais, mon adorable ami, combien de jours nous resterons encore dans cette maison que l'amitié avait embellie et qui est devenue pour moi un objet d'horreur. Je remplis un devoir bien triste et j'ai vu des choses bien funestes. Je meurs dans ce château. J'ai rempli mon devoir avec le mari et avec le fils. Il n'y a rien de si douloureux que ce que j'ai vu depuis 3 mois et qui s'est terminé par la mort. Je ne crains pas mon affliction. Je ne fuis point ce qui me parle d'elle. J'aime Cirey. Je ne pourrais pas supporter Lunéville où je l'ai perdue d'une manière plus funeste que vous ne pensez. Mais les lieux qu'elle embellissait me sont chers. Je n'ai point perdu une maîtresse, j'ai perdu la moitié de moi-même. Une âme pour qui la mienne était faite, un ami de 20 ans que j'avais vu naître. Le père le plus tendre n'aime pas autrement sa fille unique. J'aime à en retrouver partout l'idée. J'aime à en parler à son mari, à son fils. Enfin, les douleurs ne se ressemblent point, et voilà comme la mienne est faite. Comptez que mon état est bien étrange, je viens de lire des matériaux immenses de Madame du Châtelet qui m'effraient. Comment pouvait-elle pleurer avec cela à nos tragédies? C'était le génie de Leibniz avec de la sensibilité. Ah, mon cher ami, je ne sais pas quelle perte on a faite. L'appartement que Voltaire occupait à Cirey fut démeublé. Il ne resta plus que les murs de cette galerie et de ce cabinet de travail où chaque jour elle s'asseyait auprès de lui, inspirant ses ouvrages et lui donnant des conseils. La douleur de Voltaire fut très vive pendant plusieurs mois. Sa santé, déjà si faible, s'en ressentit. Mais le temps, les distractions de Paris, l'amour du travail et de la gloire adoucirent ses regrets. Il conserva toujours pour elle un profond sentiment de reconnaissance et d'affection. Et chaque fois qu'il en parla dans ses écrits, ce fut avec respect et enthousiasme. On vient de lire la vie de Madame du Châtelet, racontée pour ainsi dire par elle-même, par Voltaire et leurs contemporains. Il nous a semblé que ces nombreux fragments de correspondance faisaient revivre bien mieux que nous n'aurions pu le faire nous-mêmes dans un récit apprêté cette aimable et sérieuse figure. Nous avons été très sobres de jugement sur Madame du Châtelet. Nous avons voulu la faire connaître plutôt que la juger. C'est là, nous le croyons, le premier devoir du biographe. Pourtant, nous nous permettrons, en finissant, quelques réflexions sur son talent et sur son caractère. Dans les lettres, sa renommée, liée à celle de Voltaire, a été naturellement éclipsée par l'éclat de cette grande mémoire. Les ouvrages qu'elle a laissés ne peuvent d'ailleurs être goûtés et compris que d'un petit nombre de lecteurs. Puis, la science a marché et toutes les connaissances de ce rare esprit ont été dépassées. Cependant, on ne saurait nier que Madame du Châtelet n'ait eu sa part glorieuse dans l'influence que les sciences exercèrent en France au XVIIIe siècle. Sa haute position et sa liaison avec Voltaire servirent à propager le goût de la philosophie. Par sa traduction des éléments, elle popularisa le système de Newton. Par ses institutions de physique, elle initia la France à la philosophie de Leibniz. Enfin, dans une science sur laquelle il nous serait impossible d'émettre un jugement même superficiel, elle a mérité ce bel éloge d'un savant contemporain. Madame du Châtelet est un génie en géométrie. Quant à ce que fut sa vie, il faut, pour être équitable envers Madame du Châtelet, ne point la séparer de son temps. Pour comprendre ses faiblesses, pour les excuser même, il est nécessaire de les comparer aux intrigues audacieuses, aux galanteries sans amour des femmes d'alors. Bien peu furent égarées par le cœur. Dans Madame du Châtelet, nous l'avons vu, c'est toujours le sentiment qui domine. Et dans la peinture de ce sentiment, son style reste constamment chaste. Une sensibilité délicate l'entraîne et la contient à la fois. La femme supérieure maîtrise en elle la femme du XVIIIe siècle. Son caractère et ses goûts étaient pourtant, il faut l'avouer, une des expressions les plus caractéristiques de cette époque, à la fois si frivole et si tourmentée. Se raillant de tout et voulant tout connaître, se débattant au milieu des ruines et ne pressentant pas l'ordre meilleur qui allait en sortir, la vieille foi était morte, le respect pour la royauté avait disparu, et rien ne remplaçait encore ces symboles détruits. Les devoirs politiques, les sympathies et les croyances nouvelles étaient à peine en germe dans les cœurs. Voltaire avait le sentiment profond de la justice. Mais avait-il bien celui du droit de l'homme et de la liberté? Non, ce ne fut qu'à la fin de son siècle que ses idées généreuses et fécondes se formulèrent et pénétrèrent successivement dans toutes les intelligences. Rousseau, qui sut comprendre bien mieux que Voltaire les tendances et les besoins des sociétés modernes et proclamer le droit commun, Rousseau, qui peignait l'amour comme Madame du Châtelet l'avait ressenti, était encore obscur quand elle mourut. Caché dans Paris, triste et rêveur, il méditait sur les passions et les problèmes sociaux. L'audacieux tribun par qui devait triompher à jamais cette éclatante réforme dont se préoccupaient vaguement tous les esprits d'élite, Mirabeau, venait à peine de naître. Les sciences avaient à compléter le rôle qu'elles jouaient en Europe depuis 200 ans, rôle d'opposition éclairée contre l'autorité aveugle de la routine. Lavoisier, Laplace, Monge, Lagrange allaient paraître, philosophes, orateurs, savants, tous se montrèrent à leur voulu et concoururent à cette grande révolution d'où est sortie la France nouvelle. Mais au temps de Madame du Châtelet, les âmes ardentes et privilégiées cherchaient encore incertaines leur voie naturelle, allant de la science au plaisir et se lassant tour à tour de l'une et de l'autre, puis y revenant curieuses toujours, jamais satisfaites. On marchait alors, on n'arrivait pas. Cette agitation générale de l'époque explique Madame du Châtelet. Nous l'avons vue demandant des émotions à l'amour, aux distractions frivoles, au jeu, à la métaphysique, s'abaissant à prêter l'oreille à la lecture d'un poème obscène et écrivant de nobles pages sur l'existence de Dieu, poursuivant le bonheur et l'idéal dans les passions et dans l'étude de la vérité, et sentant toujours la satisfaction du cœur et de l'esprit lui échapper. Cette inquiétude des intelligences élevées est moindre de nos jours, pourtant beaucoup de nobles esprits souffrent encore. Le merveilleux, l'inconnu qui, dans l'Antiquité, répondait à cette notion de l'idéal que l'homme porte en lui, n'existe plus pour nous. La terre et maintenant une étroite sphère parcourue en tous sens, le globe entier est exploré, plus de pays lointains et ignorés où le surnaturel puisse se réfugier, l'âme humaine à la gêne sur la terre frappe incessamment aux portes du ciel, et parfois elle croit entendre une voix d'en haut qui lui répond. Mais pour beaucoup, la voix reste muette, et à cela il faut les passions de ce monde, l'amour, la gloire, la richesse, l'exercice du pouvoir, les recherches audacieuses de l'esprit, jouissances bien vite épuisées par l'être insatiable, aspirant à des destinées immortelles, et qui, dans le doute de ses destinées, répète avec angoisse les sombres paroles de Pascal, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Madame Louise Collet. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net.